je le sais. Chérie. Arrête ça, c'est plus drôle. Sors de là. Allez, allez, allez. Sors de là. Ouvre. Ouvre. Tu me connais pourtant. Coucou, c'est moi, je suis rentrée. Sors de là. Allez, allez, allez. Sors de là. Je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Si, si, si, si, si, si froid. Turn it off, the heat, heat. Arlette, Arlette, au secours. Si froid. Si froid. Chier, fais chier. Oh, Joe. Il n'y a plus rien. Est habituée aux délicates attentions. Comment ? Vous me trouvez encore plus belle que Garbeau ? Fermer le théâtre ? Pourquoi ? À cause de la guerre ? Les monstres ! Elle faisait aussi l'affaire pour le rôle. Mais ils l'ont retrouvée dans le marais salant. Oh, monsieur Cohen. Je serais merveilleuse dans ce rôle. Rapture est en train de sombrer. Il n'y a plus de place pour une jeune beauté comme moi. Je suis venue ici pour être une star. Une star. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard. Ah, vas-y, mon mignon. Tire. Et surtout, vise bien. Monsieur Ryan va me remarquer. Et je vais devenir une star. Il n'est pas encore trop tard. J'allais devenir une star. Regardez-moi cette porcherie. À quoi bon se produire à Broadway quand on peut réussir ici? 5, 6, 7, 8, 5, 6. Je suis venue ici pour être une star. Une star. Il n'est pas trop tard, pas trop tard. Dis donc, mon joli, ça te dirait de faire un petit tour avec moi? Eh ben, quoi? Tu m'as dit que tu allais t'occuper de moi? Alors, tout ça c'était des mensonges? S'il vous plaît, monsieur Cohen, je vous en prie, laissez-moi tranquille, tranquille! Autrefois j'étais si jolie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jouer avec moi? Je n'aime pas que vous veniez ici. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous savez ce qui arrive aux intrus? Je veux juste m'asseoir et discuter un peu avec vous. Coucou! T'es venu pour me parler, hein? Coucou! Et si on faisait connaissance, toi et moi? Je peux être très gentille. Si tu veux, je peux t'aider. Si t'as besoin d'un petit coup de main... Hein? Pourquoi tu te caches comme ça? Dis-moi, pourquoi tu te montres pas? Hein? Ça se vend vraiment, ce truc? Mais quelqu'un pourrait m'aider quand même! Oh, Allez, donne-moi tout ce que tu as. Oh, je perds mon temps avec toi, saloperie. Oh, allez, allez, allez, allez, machine débile. Oh, allez, oh, allez, allez, donne-moi ça. Donne-moi ça! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! Foutue machine! Oh! Allez! Ras-le-bol maintenant, tu sors de là. Très bien. T'es viré, tu m'entends? Viré. J'avais raison. J'avais raison. Allez, calme-toi, tu veux? Allez, je veux juste m'expliquer, d'accord? Allez, laisse-moi juste t'expliquer, d'accord? Allez, calme-toi, tu veux? Christ! Oh, please, I'm done this place. Shit! Oh, God, I'm fucking... You could use some sun, just some little warmth, something. It's cold. Oh, great, I think a piece of my nose just froze. Oh, shit, it's cold. Oh, shit. Oh, great. And a freaking hot toddy or something. I mean, fucking vodka. Oh, shit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel foutoir. Non, non, c'est pas possible. Ah, c'est mon jour de chance. Non. Non, c'est pas possible. Elle aurait pas dû venir ici. Mon jour de chance. Comme tous les jours. Encore monter une affaire ici. Il est pas trop tard. Ryan va me financer. Il va tous nous aider. Il faut lui laisser le temps. C'est la conjoncture, c'est tout. Le marché va s'en remettre. Tout ira bien. Il faut juste attendre que ça aille mieux. Moi, je suis un gagnant. Un putain de gagnant. J'ai pas peur de l'échec parce que je vais pas échouer. Ces crétins ont rien compris. Je suis un gagnant et je vais le prouver à Ryan et à tous les autres. Fontaine n'était pas à la hauteur. Moi, si. Je vais réussir. C'est qu'une question de temps. Je suis venu pour m'enrichir. Et je partirai pas tant que ce sera pas fait. Je suis venu ici avec un rêve. Et je vais le réaliser. Bon Dieu! Ah! On n'accepte que les gagnants à Rapture. Et vous avez pas l'air d'en être un. Il faut pas venir dans ma ville. C'est pas le moment. Vous croyez que j'avais rien remarqué? On vous a pas invité, je crois. J'aime pas qu'on vienne me carotter mon bien. Ryan, c'est mon pote. Pas le vôtre. Quand je vous aurai trouvé, je vais vous apprendre comment ça marche ici. Ils ont intérêt à réparer ce bazar. Sinon, je fais un malheur. Donne-moi ça, t'as compris? Mais ouvre-toi, allez! Tu vas fonctionner, oui? Bah, allez! Mais c'est du vol! C'est une escroquerie, ce truc! Eh ben, j'en ai rien à faire. D'accord? Eh ben, j'en ai rien à faire. D'accord ? Aidez-moi à trouver ce patient, je vous prie. Venez. Je veux simplement panser vos plaies. C'est insalubre ici. Venez, je vais vous désinfecter. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je ne vous ferai aucun mal. Je veux juste voir vos organes. Vous êtes là ? Mon personnel ne vous aime pas, mais moi si. Je vous jure de ne pas vous faire mal. Et c'est presque vrai. Ouvrez ! Non ! Non ! Non ! Si quelqu'un pouvait répondre ! Incompétent ! Si quelqu'un pouvait répondre ! Température corporelle en chute libre. Chute de température de 37 à 10 degrés. The subject appears to have been ripped apart from the inside. Probably a failed teleport. Eh bien, eh bien. Voilà qui est assez incroyable. Ça me rappelle quelque chose. Bon, ça suffit, appelez les infirmiers. Tout cela manque d'hygiène. Je veux aider. Mais je fais parfois des erreurs. Ah, j'aime cet endroit sans le moindre règlement. Ils sont d'une lourdeur. Un docteur doit manipuler tant de choses infectées. C'est écœurant. Oh, ils éternuent sans cesse. Je vois les germes mortels flotter dans l'air. Quelqu'un pourrait faire le ménage ici ? Décapez-moi tout ça à fond ! Ça grouille de microbes ! Je hais par-dessus tout les nouveaux-nés. Ils sortent rempli de germes. J'ai poussé au lieu de tirer. L'erreur est humaine. Mes patients posent tant de questions. Parfois, j'aime leur inventer des réponses. Les hommes se plaignent tous de leur virilité. Je peux les ramollir. Et je le fais parfois. Le pire, ce sont les moutards. Je voudrais les voir morts. Je ne supporte pas leur crasse. Parfois, j'oublie la composition des pilules, alors... Je choisis par couleur. Quand une fièvre n'est-elle pas de la fièvre ? Quand je le dis, les bactéries sont microscopiques. C'est exactement ce qu'elles veulent qu'on pense. J'aime le prestige, mais je hais les microbes. Ils se glissent sournoisement sous vos ongles et ils grouillent quand vous dormez. Le personnel ne m'aime pas. Ils critiquent mon travail. Il y a des germes partout ! Partout ! Allez ! Insupportable! Ouvre-toi! Oh, saloperie de machine! Bordel! Je devrais même pas payer pour ces trucs-là! Heart rate is rising. Oh, God damn it! The days are getting shorter. No! No, that's not right! Allez, arrêtez, nom d'une pipe. Bonjour. Je suis là. Allez, mon vieux. Allez. Arrêtez ce petit jeu. Ça suffit. C'est quoi cette histoire? Imbécile. Sortez de là. J'ai le droit d'entrer ici, bon sang! J'ai le droit d'entrer ici, imbécile! Je peux entrer ici, nom d'un chien! Pauvre imbécile! Mon âme! Mon âme! C'est... ça y est? Oh! Ils ne le sauront jamais. Il n'y a plus rien. J'ai déjà regardé. Ne soyez pas stupide. Arrêtez! Ce n'est pas ce que vous croyez. Ici ou ailleurs, c'est du pareil au même. Oh, ces sales gosses, ils ne savent rien. Non, non, non. C'est pas de ça qu'ils parlaient. Il faut maintenir l'ordre ici. Sinon, on se fera bouffer par les parasites. Tout le monde en veut à notre ville. Il faut protéger nos frontières. Personne ne doit entrer. Ils veulent prendre notre bien. Et on doit défendre ce qui est à nous! Les parasites, les papistes, les partisans du métissage, je les ai tous à l'œil! Ils complotent tous ensemble. Ils n'auront pas un seul boulon de rapture. Ils n'auront rien! Rien! C'est pas seulement pour la paye que je fais ça. Tout homme doit avoir un idéal et un chef! Il me surveille tout le temps! Mes moindres faits et gestes! Fontaine est mort! Non, il est vivant! Et il se paie ma tête! Atlas, Ryan, Fontaine, tous les mêmes! Tout ce qu'ils veulent, c'est que je sois leur pantin! Je peux même pas penser. Ils m'entendent à chaque fois! Tu ne me voleras pas mon bien, Ryan! Je l'ai gagné! Tu ne me voleras pas mon bien, Ryan! Je l'ai gagné! Ah non! Saloperie de machine! Elle est coincée! Tu vas marcher! Bordel! Je vais la pulvériser! Sainte mère de Dieu! Ah! Nom d'un chien, je commence à en avoir assez! Sacré bordel de merde! Qu'est-ce qui ne va pas encore? Saloperie de machine à la con! Ah! Ah! Mais faites réparer cette machine, merde! Y'a plus rien qui marche correctement ici! Il faut réviser cet engin, il est foutu! Trop cher! J'ai envie de bonbons. J'ai envie de bonbons. Bon, répare cette porte! On n'est pas trop en retard! Laisse-moi entrer! Chérie, à l'aide, chérie. Trop discret. Ça peut servir. J'en aurais peut-être besoin un de ces jours. Oh, il va adorer ça. Adorer. Chérie, il nous en faut plus pour le spectacle. Ça? Le nec plus ultra? Eh ben, dis donc, c'est vite dit. Oh, chérie, chérie, chérie, tu n'aurais pas dû. It's so good for you, so new for you, to see someone in such a stew for you. And when I say I do all good for you, it's so good for you. Charles, je crois que le cuisinier nous vole. C'est toujours pareil avec le petit personnel. Il chaparde tout. Nous devons maintenir notre standing, même en ces temps de chienlit. Dites au ministre qu'il devra attendre. C'est le mariage de ma fille, pas de la sienne. Oh, il est si cocasse. Mais sa femme a pris beaucoup de poids. Il se précipite toujours les mains tendues. Ils ont une voix mélodieuse, je vous l'accorde, mais quel fainéant. Eh bien, soit. Partez avec votre traînée. Mais je garde tout. Tout! Apporter un pique-nique, ce sera épatant. J'adore la douceur estivale. Ce n'est pas comme ces gens de la place Apollon. Des animaux, tous, sans exception. Vous appelez ça un filet? Si vous serviez cette horreur dans n'importe quel hôtel respectable de New York, vous seriez la risée de la ville. Ils parlent sans cesse, mais ils n'ont rien à offrir à la société. Ce ne sont que des bouches à nourrir. On n'avait rien à se dire, de toute façon. Je suis bien contente de ne plus la voir. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Tu sais ce qu'on fait aux vagabonds ici à Rapture? On les pend! Je sais ce que cherchent les crapules dans votre genre, mais vous ne l'aurez pas! Vous croyez pouvoir nous voler sans vergogne? Nous ne sommes pas dans la jungle. Parasites! Profiteurs! Je n'ai rien pour vous! Nous sommes entre gens du monde ici! Vous n'êtes pas à votre place! Votre engeance n'est pas la bienvenue ici! Je vais envoyer quelqu'un te mettre une bonne raclée! Tu vas regretter d'être venu! Tu vas voir! C'est toujours pareil avec les parasites! Il faut qu'ils se cachent! J'en ai besoin! Tu m'entends? Saloperie de machine! Tu vas marcher, oui? Allez, dépêche-toi! Plus d'argent! Donne-moi ce truc! Tu te prends pour qui, foutue machine? Il n'y en a plus? Comment ça, il n'y en a plus? Allez, ouvre cette porte! Faut que je pisse! Allez! Ouvre, ça y est! Je suis calmé! Ouvre! Merde! Oh, qu'est-ce que c'est? Eh, me force pas à rentrer là-dedans! Eh, reviens, tu peux sortir, Joey, plus là! Sors maintenant! Non, non, pas aujourd'hui! S'il te plaît, Allez, merde! Ouvre, s'il te plaît! D'accord, d'accord. Je vais être gentil, c'est promis. Hé! Hey, maman! Je t'en prie! Maman! Maman! Maman! Il fait si froid! Pardon! Pardon! Pardon! Voilà! Est-ce qu'il fait froid? T'endors pas! T'endors pas! Non, non, non! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens! Quel enfoiré! Et si j'utilisais ce truc? Je vous connais! Si, je vous connais! Vous êtes le gars! Avec le tatouage! Qu'est-ce que c'est? Non, y a rien ici! J'ai déjà vérifié 50 fois! C'est pas vrai! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Personne me croit. Je fais ce que je peux. Faut pas me juger. Regardez-moi. J'ai plus rien à donner. Maman. Papa. Venez me chercher. J'ai mal rien que de respirer. C'est un intrus. Et ils nous font tuer, les intrus. Je veux juste dormir. Je veux aller me coucher. Ils m'obligent à tabasser tout ce que je vois. Ils m'obligent. Je fais ce qu'on me dit. Je fais qu'obéir, moi. Où êtes-vous? Ils vont me tuer si je vous trouve pas. Vous feriez mieux de vous montrer. Ce serait mieux pour nous deux. Je sais qu'il y a quelqu'un. Ce serait plus facile si vous sortiez de là. Sortez de là. Ce sera pire si vous vous cachez. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Ils vont me tuer si je vous trouve pas. Et d'accord. Ce truc-là, il me le faut. Donc je vais l'avoir. Oh non, me fais pas ça. Tu veux marcher, oui? Encore un. Saloperie de ferraille de merde. Encore un. C'est un nouveau, on dirait. Ouais. Ouais, c'est nouveau. Oh bordel, je vais te l'exploser, ce merdier. Oh putain! C'est un nouveau. Je l'avais jamais vu, celui-là. Et d'accord. Ce truc-là, il me le faut. Donc je vais l'avoir. Thank you. le 3, le 4, le 13, le 34, le 36. Jacques a dit, faites-le souffrir. Elle respire encore. C'est normal. Ce n'est qu'une enfant. Chut. Mais non, tu ne meurs pas. Tu n'es qu'un bébé. Allez, sortez, allez, ouvrez la porte. Enfoiré! Derrière chaque porte, une nouvelle vie nous attend. Le danger. Est-ce qu'il fait froid? Quel étage? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 13, le 34, le 36. Jacques a dit, faites-le souffrir. Elle respire encore. C'est normal. Ce n'est qu'une enfant. Chut. Mais non, tu ne meurs pas. Tu n'es qu'un bébé. Ils ne t'emmèneront pas. Tu n'es qu'une enfant. C'est ma fille. Regardez, elle a les mêmes yeux que moi. Ne lui faites pas de mal. Prenez-moi à sa place. On va partir. C'est promis. Mais ne touchez pas un seul de ses cheveux. Pitié! Pourquoi prendre ma fille? Elle ne vous servira à rien. Prenez celle de la voisine. Prenez-moi, prenez mon corps, prenez tout, mais ne prenez pas mon enfant. Aidez-moi. You, tu es là, mon petit? Chérie, c'est l'heure du déjeuner. Mon lapin, maman est là, viens faire un bisou à maman. C'est vous qui m'avez pris, mon bébé. J'espère pour vous que non. Où es-tu, mon trésor? C'est moi, c'est maman. Viens voir maman. Mon chéri, où es-tu caché? Montre-toi, chérie. Maman veut te faire un gros câlin. Ils ne t'emmèneront pas. Tu n'es qu'une enfant. Yo, tu es là, mon petit? Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear the hour I first believed. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil. A life of joy and peace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. His will my shield and portion be. As long as life endures. Arrête ça, tu veux? Plus de boutons! Je t'en supplie à genoux. Merci. Merci. C'est vraiment minable. J'ai envie de bonbons. I wish I had some jellies. Sortez de là! Eh oh! Y'a quelqu'un? Du feu! S'il te plaît, franchement, couverture. Fucking con, goddammit! Sacré chance. Le temps paraît long quand on est seul. J'ai besoin d'un peu de compagnie. Pas un seul de ces crétins ne veut me parler. Pour eux, je suis un monstre. Qu'ils aillent au diable! Ici, il faut être riche pour séduire une dame. Qu'on soit gentil ou non. Tout ce que je demande, c'est de rencontrer quelqu'un. Cet endroit est un enfer. C'est ce que dit le livre. Bien s'habiller, sourire et rester naturel. Je lui envoie des fleurs tous les jours, qu'elle me renvoie aussitôt. Vous appelez ça de la reconnaissance ? Un bon traitement novotif. Après, j'économise pour voir Steiner. Et ensuite, elles tomberont comme des mouches. Je suis pourtant beau. Sont-elles aveugles à ce point ? Elle est vraiment trop snob. Je vais lui montrer ce que j'en fais, moi. Des snobinardes. Je devais réussir ici, Ryan. Quand viendra mon tour, ordure ? Arrêtez de vous moquer de moi ! Steinman va me retaper. Tout ira bien. Tout ira bien. Vous allez voir. C'est extra! C'est vraiment sans ça, c'est extra! C'est la super classe! Toi aussi, t'es là pour te moquer de moi? Je sais que t'es là! Et j'ai justement besoin d'une bonne bagarre! Vas-y! Essaie de te moquer de moi, allez, vas-y! C'était qui? Hein? Ta sœur? Ta cousine? C'est pas comme si ça m'intéressait! Allez! Tu veux que je t'apprenne à danser? Je suis très doué! Je vais te montrer ce que c'est que d'être différent! Allez! Ah! L'enfoiré qu'a conçu ces saloperies devrait être fusillé! Tu vas t'ouvrir, ouais, mais ouvre-toi, merde! Rends-moi ça, c'est à moi, pigé! Tu vas t'ouvrir, ouais, mais ouvre-toi, merde! Je vais en prendre 3 comme ça. Tu comprends? 3! Allez, allez! Pourquoi vous faites ça, hein? Si vous me connaissiez un peu mieux, vous n'hésiteriez pas une seconde. Ouvrez la porte! Ah, allez, venez! Parfait. Eh oh. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, qu'est-ce que c'est? Tiens, tiens, tiens. Oh Seigneur, je t'ai abandonné pour maman. Et qu'ai-je obtenu? Hein, mon père? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Je regrette, mon père. Je vous obéirai. Je ferai votre volonté. Je porte votre croix, Seigneur. C'est ce que vous aimez. Même tout au fond de l'eau, il voit tout et sait tout. Jésus m'aime. Je le sais, Jésus m'aime. Je le sais. Sa lumière brille, même ici, dans les ténèbres. Je dois obéir à ses commandements. Je dois obéir à ses commandements. Je dois. Nous nous sommes détournés de toi, Seigneur. Car je me suis élevé contre cette ville pour le mal et non pour le bien, dit le Seigneur. Ils pensaient pouvoir se cacher de sa lumière ici. Ils avaient tort. Where is he, Madonna? Where is the little sinner? You know what we do to Judases? Sinners, hide in the shadows. I've come to judge you. He died for your sins, for your sins. Lord, have mercy on your soul. I can't see you, but he does. Tu crois pouvoir te cacher, hein? Le Seigneur voit tous nos péchés. Il est mort pour toi. Pour toi, espèce d'enfoiré! Espèce de salopard bouffi d'ingratitude! Il t'offre le salut de ton âme, et toi, tu lui craches à la gueule! Aide-moi, Sainte Vierge. Aide-moi à retrouver le pêcheur. Je te retrouverai, maudit pêcheur. Et tu te repentiras. Non, mais ça va. Non, non. Why do I put up with this shit? What's the point? This is ridiculous. Camelot, allez. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui a construit ce truc?